la pie. Il lui reste toujours, du dernier hiver, un peu de neige. Elle sautille à pieds joints par terre, puis, de son vol droit et mécanique, elle se dirige vers un arbre. Quelquefois, elle le manque et ne peut s'arrêter que sur l'arbre voisin. Commune, si dédaignée qu'elle semble immortelle, Anabi, dès le matin, pour bavarder jusqu'au soir, insupportable avec sa queue de pie, c'est notre oiseau, le plus français. La pie, ca, ca, ca, ca, ca. La grenouille, qu'est-ce qu'elle dit? La pie, je ne dis pas, je chante. La grenouille, couac. La taupe, taisez-vous donc là-haut, on ne s'entend plus travailler.